Eh, la famille, toujours dans les temps. Carnage volume 1. Mini tape disponible spécialement sur le net. Télécharge-le, grave-le, fais passer le mot. Dit titre inédit. Mister CRO, négro, let's go. Ok, je remets ça encore une fois. Encore une mise à l'amende, vu qu'il y en a à la demande. Voix hardcore même quand je chante, regarde qui gère les commandes. Encore une mise à l'amende, vu qu'il y en a à la demande. Voix hardcore même quand je chante, regarde qui gère les commandes. Normal, illégal, niquer les temps sans régal. Pas belle au naturel, tu crois guérir chez L'Oréal. Fais pas le mannequin car on sait que t'es qu'une tapin. Rien que tu joues l'allumeuse dès que la lumière s'éteint. Démarre le T-Max sans permis, ça finit en chasse. Tu peux leur mettre la piche comme tu peux finir au Habs. Bois d'Arcy, Nanterre ou bien Oni. Tu deviens dingue, c'est une jungle pire qu'en Amazonie. Dis à Tony qu'on est tous paranoïaques. Mon hardcore un gros porc à la Kubiak. Chroma c'est moi, ne confonds pas avec la Fiat. Je traverse les routes du bled, compare-moi à un 4x4. Nickel, l'archipel, admire le potentiel. On arrache le sol, décolle même sans les ailes. Un son qui explose car j'ai trop mis la dose. T'as kiffé la pose et la manière dont je m'impose. Encore une mise à l'amende, vu qu'il y en a à la demande. Voix hardcore même quand je chante, regarde qui gère les commandes. Encore une mise à l'amende, vu qu'il y en a à la demande. Voix hardcore même quand je chante, regarde qui gère les commandes. Eh carnale, c'est la lettre volume 1 carnage. Mister Chromatif, influencé par Mister F.E.